Cette semaine au Mathieu Plante Show. Vous présente une édition spéciale entièrement consacrée à la musique de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Dans cette deuxième de trois émissions, la deuxième moitié du CD 3, le CD 4 au complet et la première moitié du CD 5. Vous entendrez de la musique de plusieurs styles musicaux inspirés par le même excellent jeu vidéo. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence maintenant. Voici votre animateur, celui qui sème la controverse, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, je vous ai préparé une édition spéciale entièrement consacrée à Donkey Kong Country 3 Double the Trouble, le 36e album édité par le site Overclocked Remix. Cet album présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, sortie sur Super Nintendo en 1996, et celle de la réédition sortie sur Game Boy Advance en 2005, qui comprenait une toute nouvelle trame sonore. La compilation comprend 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Erlend Novakovic et David Wise dans une grande variété de styles. L'album a été majoritairement fait par les fans pour les fans, mais contient aussi de nouveaux arrangements et des performances instrumentales par David Wise lui-même. Cette semaine, nous écouterons la deuxième moitié du CD 3, le CD 4 au complet et la première moitié du CD 5. Si vous aimez la compilation Double the Trouble, vous pouvez la télécharger au complet, les 5 disques, sur dkc3.ocremix.org. Quand on s'est laissé, on était au milieu du troisième disque sur 5 de cette compilation Double the Trouble. Donc, on va commencer à la dixième pièce du CD 3, All Mixed Up, Hot Pursuit, Game Boy Advance par Zyko. Ensuite, Arachnophobia, Eric Boss par Flexstyle featuring Paul Capps. Et finalement, Vexed, Pokey Pipes, Game Boy Advance par G-Slicer. On met du plan de show tout de suite. Pipes Game Boy Advance par G. Slicer ou Mathieu Planchot dans une édition spéciale où on écoute la musique de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. On a presque terminé le troisième CD, donc allons-y avec les pièces 13, 14 et 15. En premier, Post-Apocalyptic Society Boss Boogie Game Boy Advance par Herger Walder. Ensuite, Nuts in the Head, Nuts and Bolts Game Boy Advance par Zyko. Et finalement, Tangerine Fever, Mill Fever Game Boy Advance par Mince Dude. Tout de suite au Mathieu Planchot. Double Trouble sur ses... We'll be right back. c'est sur Tangerine Fever, Mill Fever, Game Boy Advance par Mace Dude que se termine le troisième disque sur 5 de Donkey Kong Country 3 Double the Trouble. Ce qui veut dire qu'on embarque dans le quatrième CD, le dernier vrai CD. Le cinquième est un disque bonus. Donc, le quatrième disque s'appelle Pacifica et il comprend 10 pièces. Donc, commençons avec les trois premières. Undercurrent, Enchanted River, Game Boy Advance par Pot Hocket. Ensuite, Aquatic Transformations, Water World, Game Boy Advance par Hal C featuring Level 99. Et finalement, Heart of the Cave, Cavern Capers, Game Boy Advance par Rosovian. Tout de suite au Mathieu Planchot sur C'est fou. Thank you. Thank you. Heart of the Cave, Cavern Caprice, Game Boy Advance par Rosal Vienne, la troisième pièce du quatrième disque de Double Trouble. On va continuer dans sur notre lancée, ça va tellement bien jusqu'à maintenant, avec les pièces 4, 5 et 6. En quatrième sur ce CD 4, c'est Cranky's Mojo, Cranky's Dojo, Game Boy Advance par Peach. Ensuite, Chasing Waterfalls, Cascade Capers, Game Boy Advance par Blue Magic. Et finalement, Cornfed Kong, Rockface Rumble, Game Boy Advance par Zyko, featuring Diotrance et Diggy Diss. De ton Mathieu Plancheau, édition Double Trouble sur C'est Fou. Thank you. Grandfield Kong Rockface Rumble Game Boy Advance par Zyko featuring Diotrans et Diggy Diss. On est déjà rendu à la fin du CD4, seulement 3 petits blocs, mais celui-là va comprendre 4 pièces pour compenser. Donc on va entendre dans l'ordre Spanish Jitters Jungle Jitter Game Boy Advance par David Wise, celui qui a composé la trame sonore originale de la version Game Boy Advance de Donkey Kong Country 3. Donc David Wise featuring Robin Meadland et aussi Remixers. Ça, c'est un regroupement de gens sur le site Overclock Remix. Ensuite, Seabreeze Concerto Stilt Village Game Boy Advance par Monkey Kong featuring David Wise. Ensuite, Beneath the Moonlight Stilt Village Game Boy Advance par Theophany featuring Harmony, Someone Named Jeff, et Fishy. Et pour terminer, le CD4, Distant Dreams on Stormy Seas Game Over Game Boy Advance par Emulator, Theophany et Cody Whittle. Vous êtes dans une édition spéciale du Mathieu Plante Show sur la musique de Donkey Kong Country 3. Thank you. Distant Dreams on Stormy Seas, Game Over, Game Boy Advance par Emulator, Theophany et Cody Whittle. Au Mathieu Plante Show, vous êtes dans une édition spéciale Double the Trouble. Il nous reste encore le disque 5 à entendre, ou du moins le débuter dans cette édition. Donc commençons avec les trois premières pièces. Take the World Back, Northern Chromosphere par Acolyte. Ensuite, Jitterbug System, Jungle Jitter par Flexstyle. Et finalement, Rocket Rave, Rocket Gun par Draconiator. C'est au Mathieu Plante Show, seulement c'est fou. Rocket Rave, Rocket Run par Draconiator. Il nous reste seulement 3 pièces dans cette édition du Mathieu Plante Show. On va devoir couper le CD5 en 2 parties. Je vous rappelle qu'on écoute toujours la trame sonore de Donkey Kong Country 3, remixée par les gens de Overclocked Remix. Donc les pièces 4, 5 et 6. Commençons avec Treetop Intense, Treetop Tumble par Danton F. Ensuite Joyful Jungle Jig, Jungle Jitter par Chernabogue. Et finalement Heart of Darkness, Cavern Capers Game Boy Advance par CC Ricers. Vous aurez remarqué que plusieurs pièces ont des titres qui se répètent entre les parenthèses à la fin. C'est parce que plusieurs sont inspirés de la même pièce, mais c'est une interprétation différente. Par exemple, on a entendu un remix de Jungle Jitter précédemment dans le bloc juste avant. Donc vous êtes toujours Mathieu Plante Show, ça c'est fou. Heart of Darkness, Cavern Caprice, Game Boy Advance par CC Risers. Donc, on a entendu les 6 premières pièces du CD5. On reviendra avec les pièces 7 à 14 dans la prochaine édition. C'est ce qui termine cette édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les lundis de midi à 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Consultez la programmation sur cifre.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook sur facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!